Bonjour très chers auditeurs, bienvenue sur Radio Gamozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde, naturopathe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'origine de la maladie, ou ce que le mal a dit. Hippocrate disait « Si tu es malade, cherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir ». Aucune manifestation de disharmonie à laquelle nous pouvons donner les noms de douleur, maladie, engourdissement, ne surviennent sans raison. La cause de la maladie peut être de courte durée. Toute forme d'excès, une surexposition au soleil, un abus de nourriture, d'alcool, le manque de sommeil, peuvent donner lieu à des indispositions et à un malaise passager. Cette disharmonie temporaire peut aussi faire suite à des émotions telles que la peur, la honte, la peine, la déception, la frustration ou encore la colère. Une colère ravalée ou exprimée sans mesure peut donner naissance à un mal de gorge. Nous croyons parfois que ce sont les cachets d'antibiotiques qui nous ont guéris alors que notre corps avait déjà amorcé son processus de guérison dès l'instant où nous avons cessé d'être en colère. Lorsqu'une émotion intense nous perturbe, elle peut donner lieu à des manifestations de disharmonie pour notre organisme. Si nous abdiquons, en gardant pour nous-mêmes toute la souffrance que cette émotion a générée, elle pourra donner naissance à des affections importantes, telles que le cancer, la sclérose en plaques, le diabète, ou d'ordre psychologique, du genre dépression nerveuse, psychose. À l'inverse, si l'émotion est bien gérée, c'est-à-dire que nous y avons fait face, nous avons demandé de l'aide, avons cherché ce que cette situation avait à nous apprendre, tiré la leçon et choisi l'action la plus appropriée. Nous amorçons alors notre processus de récupération et de guérison. Voilà tout le bénéfice d'apprendre à maîtriser ses émotions et à éveiller sa conscience. La cause de la maladie peut être intermittente. Par exemple, la majorité des allergies sont reliées à une situation que l'on n'accepte pas, à un souvenir logé dans notre mémoire émotionnelle. La maladie peut être une accumulation d'émotions au fil des années. On parle alors de goutte d'eau qui fait déborder le vase. La maladie d'une personne peut exprimer « ne voyez donc pas que je souffre ?» ou encore être une excuse pour ne plus faire une activité ou tout simplement dire non. La maladie peut être une solution, un moyen de retenir l'attention des êtres que l'on aime. La maladie peut aussi résulter d'un conflit intérieur entre la pensée et l'action posée. C'est le cas de la maladie de Parkinson, qui se traduit par une dégénérescence des cellules nerveuses affectant tout le tonus musculaire et le mouvement. Elle se caractérise par des tremblements des mains, de la tête, une rigidité et une réduction progressive des mouvements. En parlant de la maladie de Parkinson, on pourrait employer les mots « on-off » à cause de la perte et de la reprise de la communication nerveuse. C'est aussi ce qui se passe chez la personne affectée. Il y a une dualité entre l'action posée et le doute sur l'action posée. Il fallait que je le fasse, mais je n'aurais pas dû. Ce qui donne naissance à un conflit de mouvement. La maladie peut exprimer un renoncement. C'est le cas des maladies dégénératives, où il y a altération à la fois de la structure et du fonctionnement d'une partie du corps, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Je vous invite donc à prendre la responsabilité de votre santé et de votre bonheur. Rien n'est le fruit du hasard. N'oubliez pas ce qu'Hippocrate disait. Si vous êtes malade, cherchez d'abord ce que vous avez fait pour le devenir. C'était l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Si vous souhaitez me contacter ou prendre rendez-vous pour une consultation, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet lessecretsdemathilde.com. On se retrouve vendredi prochain à 8h et à 13h30 sur Radio Gamozo. Très belle journée, prenez soin de vous.